revient tard. Pars vite et reviens tard. Pars vite. Et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Cinquième épisode. Les inquiétants messages déposés dans l'urne de Joss ont fini par annoncer l'entrée de la peste dans Paris. Au même moment, un cadavre a été retrouvé dans un immeuble du premier arrondissement, aux portes marquées de 4 inversées. L'homme aurait été étranglé. Son corps était noirci avec de la poussière de charbon. Aussitôt arrivé sur les lieux, Adamsberg a découvert dans l'appartement de la victime une enveloppe, semblable à celle qui renferme les annonces spéciales soigneusement conservées par de Cambrai. Il est 20h, bonsoir, bienvenue à la une ce soir. Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé étranglé chez lui hier. C'était à Paris, dans le premier arrondissement. À l'origine de ce meurtre, sans doute une bande organisée dont les motifs restent encore mystérieux. La police demande à tous les habitants d'immeubles ou de maisons dont les portes sont marquées d'un chiffre 4 de se faire connaître dans les meilleurs délais, en appelant ou en se rendant au commissariat le plus proche. Dans le reste de l'actualité... Le 17 août, un type est apparu sur la Terre avec l'intention d'y bousiller du monde. Appelons-le CLT. CLT ne saute pas à bride abattue à la gorge du premier venu. Il passe auparavant par une phase préparatoire qui lui prend presque un mois. Sans doute elle-même longuement mise au point à l'avance, il se lance simultanément sur deux fronts. Front 1. Il sélectionne les immeubles dans Paris dans lesquels il vient peindre, la nuit, des chiffres noirs sur les portes palières. Allez-y, Danglars, envoyez. Regardez ce 4. Ce 4 est un 4 bien spécifique, inversé, en miroir latéral, à la base élargie et sabré de deux barres sur le retour. En bas à droite, on trouve ces trois lettres majuscules CLT. Au contraire des quatre, ces lettres sont simples, sans fioritures. Ce motif apparaît sur toutes les portes des immeubles concernés, sauf une. Le choix de cette porte épargnée paraît aléatoire, tout comme les critères de sélection des immeubles. Ils sont situés dans 17 arrondissements différents, de tous les styles et de toutes les époques. Et les occupants ? Plus tard. La signification de ce 4 a été décodé de manière certaine. Il s'agit d'un chiffre utilisé autrefois comme talisman pour se protéger des atteintes de la peste. Quelle peste ? La peste, Favre. Il n'y en a pas 36. Danglars, s'il vous plaît, un rappel en trois phrases. La peste a débarqué en Occident en 1347. En 5 ans. Elle a dévasté l'Europe de Naples à Moscou et fait 30 millions de morts. Cet épisode effroyable de l'histoire des hommes est appelé la mort noire. Cette désignation est importante à connaître pour l'enquête. Trois phrases d'Anglard. Elle réapparaît ensuite périodiquement, presque tous les 10 ans, ravageant des régions entières et ne lâche finalement prise qu'au XVIIIe siècle. Je n'ai pas évoqué le haut Moyen-Âge, ni les temps contemporains de l'Orient. C'est parfait, n'évoquez rien de plus. Cela suffit pour comprendre de quoi nous parlons. De la peste historique, celle qui vous tue un homme en 5 à 10 jours. Brigadier Estaler, est-ce que l'homme retrouvé rue Jean-Jacques Rousseau est mort de la peste ? J'y viens. Front 2. Le 17 août également, CLT lance sa première annonce sur la place publique. Il jette son dévolu sur le carrefour Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement, où un type a réinventé la profession de crieur public. En quoi ça consiste ? Le type laisse une urne suspendue à un arbre, jour et nuit, et les gens y déposent des messages à lire en échange d'une petite rémunération. 2 fois par jour, le crieur vide la boîte et il crie. Oh, Ouais, c'est complètement con. Peut-être, mais ça marche. Les messages de CLT sont incompréhensibles pour le grand public et le public en général. Il s'agit de courts extraits tirés de livres anciens, rédigés en français ou même en latin, déposés dans l'urne dans de grosses enveloppes ivoires. Sur place, un type versé dans les vieux bouquins s'en est assez inquiété pour tâcher d'y voir clair. Et son nom, sa profession ? De Cambrai, retraité et conseiller en choses de la vie. Ils sont tous sur cette place. N'empêche que ce De Cambrai est parvenu à identifier le sens des messages déposés par CLT. Tous sont tirés d'anciens traités sur la peste ou du journal d'un Anglais qui relate l'épidémie de Londres en 1665. Pendant un mois, CLT s'en est tenu à la description des signes annonciateurs du mal. Et puis il a forcé l'allure et il a déclaré l'entrée de la peste en ville hier matin, dans le quartier Rousseau. Le même jour, on découvre ce corps dans un immeuble marqué de 4. La victime est un jeune garagiste, célibataire, rangé, absent au fichier. Le corps est nu et la peau est couverte de plaques noires. La mort noire ? Commissaire, la peste est une maladie terriblement contagieuse. Rien ne nous prouve que cet homme n'en est pas mort. Et pourtant, vous avez emmené sur place 3 agents sans même attendre le rapport du légiste. Bon, d'abord, la peste n'est pas contagieuse par contact. C'est une maladie des rongeurs, en particulier des rats, transmise à l'homme par la piqûre de leur puce infectée. Et par ailleurs, quand j'ai emmené ces 3 hommes, il était déjà certain que la victime n'avait pas succombé à la peste. Pourquoi ? Danglars. L'annonce de l'arrivée de la peste a été lancée vendredi matin par le crieur. L'Orion est mort dans la nuit de jeudi à vendredi. Il faut savoir qu'après l'inoculation du bacille, il y a un délai d'incubation d'environ 5 jours avant l'apparition des premiers symptômes, sauf cas rarissimes. Il était donc exclu qu'on se trouve face à un véritable cas de peste. Pourquoi pas ? Il aurait pu l'inoculer avant ? Non, CLT est un maniaque. Et les maniaques ne peuvent pas tricher s'il annonce vendredi, il inocule vendredi. Le garagiste a été étranglé. Son corps a ensuite été noirci au charbon de bois, certainement pour évoquer les symptômes et le nom de la maladie. CLT n'est donc pas en possession du bacille. C'est pas un laborantin illuminé qui se promène avec une seringue dans sa sacoche. L'homme procède symboliquement. Mais il est évident qu'il y croit et qu'il y croit très fort. La porte de l'appartement de la victime ne portait aucun 4. Je vous rappelle que ces 4 ne sont pas des menaces, mais des protections. Seul celui dont la porte reste vierge se trouve exposé. CLT ne frappe donc pas en aveugle. Il sélectionne ses victimes à l'avance et sauvegarde les autres occupants de l'immeuble par ses desseins. Donc là, éteignez-moi ça. Il étrangle, alors qu'il croit donner la peste. S'il est capable de se leurrer lui-même à ce point, on a affaire à un vrai schizophrène, non ? Pas forcément. CLT manipule un univers imaginaire qui lui semble tenir debout. C'est pas si rare. Des quantités de gens croient qu'on peut lire l'avenir dans des cartes à jouer ou dans les astres. Mais y a-t-il d'autres personnes visées ? Toutes celles dont les portes sont restées intouchées sont-elles exposées au même sort que l'Orion ? C'est à craindre. Dès hier soir, des renforts ont été placés en protection devant les 14 portes vierges des immeubles marqués. Mais tous les immeubles touchés ne nous étaient pas encore connus. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer cet appel au risque de provoquer une panique générale. C'est réussi. De toute façon, ce n'est qu'une question de jour. Si CLT poursuit son œuvre, s'il tue encore, on ne coupera pas à la psychogénérale. Bon. Que sait-on de lui ? On ne peut pas écarter la possibilité que ce soit une femme. Mais cette parade littéraire, cet étalage, évoque plutôt un orgueil masculin. Le besoin d'une démonstration de force. De plus, la strangulation nous invite à tabler sur un homme. Un homme sans doute très cultivé. Un homme de lettres. Il est doué pour le dessin, il est propre, méticuleux, obsessionnel à coup sûr. Donc craintif et superstitieux. Enfin, c'est sans doute un ancien taulard. Le labo a confirmé que la serrure avait été forcée en professionnel. Il faudra donc passer en revue les taulards dont les initiales seraient CLT, si tant est qu'il s'agisse de sa signature. Il n'y avait pas d'autres empreintes dans l'appartement. Le charbon de bois utilisé pour noircir la peau du cadavre provenait de branches de pommier, et non pas de ces sacs vendus dans le commerce. Quant à l'enveloppe, elle ne contenait que de la poussière de papier et le cadavre d'un petit insecte. Mais la peste, pourquoi la peste ? Quand on comprendra ça, on l'aura. Merci. Ça y est, j'en tiens. Christian Laurent Taveniaud, CLT. 34 ans, né à Villeneuve-les-Ormes, incarcéré il y a 12 ans pour coups et blessures à la maison centrale de Périgueux, 18 mois de tôle et 2 mois de mieux pour violence sur gardien. Fais voir la tête. Attends. Hop. Formation. Orienté en filière professionnelle à l'âge de 13 ans. Vie de Paris sur les matchs et bricole des mobilettes qu'il revend sous main jusqu'à cette bagarre, où il manque de tuer un de ses clients à coups de mobilette à travers le corps. Ensuite, la tôle. Les parents. Une mère, employée dans une fabrique de cartonnage à Périgueux. Des frères, des sœurs. Un frère aîné. Gardien de nuit à Levallois, c'est par lui qu'il a trouvé son boulot. Ça laisse pas beaucoup de place à l'étude. Je vois pas comment Christian Laurent Taveniaud aurait trouvé le temps et les moyens de parler latin. Alors ? Deux hommes pour aller voir, mais j'y crois pas. Voisinet, Lamar, allez-y. Les autres, continuez de chercher. C'est parti. Commissaire, je peux vous dire un mot ? Je suis emmerdé. Quoi ? À cause de ce CLT ? Non. J'ai des puces. Projeter une bombe tous les 10 mètres carrés, mon vieux. Sortez 2 heures, revenez, puis aérez, ça marche très bien. Mais ce sont des puces de chez Lorion. Ça a commencé à me gratter le soir à la brigade. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, Danglar ? Le type en ramassait sans doute au garage. Mais bon Dieu, vous l'avez dit vous-même à l'équipe hier, la peste se transmet par les piquures de puces. Il faut faire quelque chose, ou ce sera peut-être trop tard. Enfin, Danglar, vous n'allez quand même pas marcher dans la combine ? Lorion est mort étranglé d'un simulacre de peste, pas de la peste elle-même. Mais je sais bien, mais dans sa folie des symboles, CLT a peut-être poussé le détail jusqu'à lâcher des puces dans l'appartement. Ça ne peut pas être une coïncidence. Et absolument rien ne m'assure que ces puces ne sont pas réellement infectées. Si elles l'étaient, pourquoi aurait-il pris la peine d'étrangler Lorion ? Parce qu'il veut donner la mort lui-même. Je suis pas un trouillard, commissaire, mais être mordu par des puces libérées par un obsédé de la peste ne me fait pas rigoler. Oui, Adamsberg. Vous vous souvenez de l'insecte que vous avez trouvé au fond de l'enveloppe vide ? Oui, c'est ça. Activez l'entomologiste, priorité absolue. C'est urgent. Grouillez-vous. Et dites-lui que je lui en envoie d'autres, vivantes. Qu'il prenne ses précautions, surtout. Silence absolu. Bon, montez à la douche et fourrez toutes vos fringues dans un sac plastique. On va les faire partir à l'analyse. Et comment je fais ? Je me balade à poil toute la journée ? Je vais vous acheter 2-3 bricoles. Inutile que vous lâchiez vos bestioles dans toute la ville. Bon. Allez, allez, donc là, à la douche. Van Dussler ? C'est moi. Vous vous souvenez de cette histoire de 4 pour laquelle je vous avais consulté ? Oui. J'ai aussi lu le communiqué sur Internet et les journaux de ce matin. Un journaliste raconte qu'à la sortie du cadavre, un bras dépassait du drap et qu'il était taché de noir. Merde, les cons. Est-ce que le corps était noir, commissaire ? Vous y connaissez en affaire de peste ? Ou juste en chiffres ? Je suis médiéviste. Je connais bien la peste, oui. Il y en a beaucoup qui s'y connaissent ? Des pestologues ? Disons qu'aujourd'hui, il y en a 5. J'ai 2 collègues dans le sud qui travaillent sur le versant médical de la question, un autre à Bordeaux, plutôt axé sur les insectes vecteurs, et un historien tendance démographe à l'université de Clermont. Et vous, vous êtes quelle tendance ? Tendance chômage. À combien de temps estimez-vous la durée de la maladie ? 3 à 5 jours d'incubation en moyenne, mais parfois 1 ou 2 seulement. puis 5 à 7 jours de peste déclarée, grosso modo. Ça se soigne bien ? Oh bah, si on la prend au tout début des symptômes, oui. Je crois que je vais avoir besoin de vous. Vous accepteriez de me recevoir ? Où ? Je sais pas, chez vous ? C'est d'accord. Alors, à dans 2 heures, si ça vous va. Danglars, vous êtes là ? Je suis là. Bon. Je vous ai pris du 48. Ça ira ? En général, je mets du 50, mais ça va aller. Merci, commissaire. Tenez, mes amis. J'envoie le paquet de fringues au labo. Et pas de panique, Danglars. Hein. Vous avez au moins 2 jours d'incubation devant vous. Ça nous laisse le temps d'avoir les résultats des examens. Vous voulez que je mette ça ? T'as quoi, c'est un t-shirt et un jean ? C'est parfait pour vous, capitaine. Je vais avoir l'air d'un con. Est-ce que j'ai l'air d'un con ? Alors, vous ne croyez pas au pouvoir de ce chiffre ? Non. Pas plus que je ne crois aux amulettes, aux bagues, aux turquoises, aux émeraudes, ni aux centaines de talismans qui ont été inventés pour se protéger de la peste. Beaucoup plus onéreux qu'un simple 4, évidemment. On portait des bagues ? Bah, ceux qui en avaient les moyens. Les riches mouraient relativement peu, ils étaient protégés sans le savoir par leur maison solide, où ne venaient pas les rats. Du coup, on avait d'autant plus tendance à croire au pouvoir des pierres précieuses. Le nec plus ultra, la protection par excellence, c'était le diamant. C'est comme ça que les hommes fortunés ont pris l'habitude d'offrir un diamant à leur fiancée, pour les protéger du fléau, comme une preuve d'amour. La coutume est restée, mais plus personne ne connaît son origine. Pas plus qu'on se souvient de la signification des 4. Le tueur s'en souvient. Où a-t-il pu la trouver ? Dans les livres, probablement, mais si vous m'exposiez le problème, je pourrais peut-être vous aider. Je dois d'abord vous demander où vous étiez dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2 heures du matin. C'est l'heure du meurtre ? À peu près. Pourquoi moi ? Désolé, Van Dossler, mais très peu de gens connaissent le sens de ce 4. Tu m'as appelé ? Mathias, je te présente le commissaire Adamsberg. Tu peux lui dire ce que je faisais jeudi soir à 2h du matin ? Tu es rentré tard avec du repassage vers 10h. On a bouffé des sushis que j'avais achetés à emporter. On a continué notre partie d'échecs pendant une demi-heure. Et tu t'es mis au repassage. À 1h du matin, alors que tu rangeais la planche, tu t'es souvenu que tu devais livrer 2 paires de draps pour le lendemain. Ben, je t'ai filé un coup de main et on les a repassés à 2 sur la table. On a terminé de plier à 2h30 et on en a fait 2 paquets séparés. Quelle précision ! Normal, il est préhistorien. Bon, je peux y aller parce que j'ai un remontage en cours. Oui, je te remercie. Bon, je vais vous résumer les choses. Tout a commencé le 17 août. Ce jour-là, un semeur de peste. Voilà ce que vous avez sur les bras. Ça s'est déjà vu, mais on en a surtout inventé par milliers. C'est-à-dire ? À chaque atteinte de peste, la terreur était telle qu'on cherchait des responsables terrestres à punir. On accusait des types de répandre le fléau à l'aide d'onguents, de graisses et de préparations diverses, qu'ils étalaient sur les sonnettes, les serrures, les rampes, les façades. On a pendu des tas de gens pour ça. Ici, vous avez un semeur, ça ne fait pas de doute. Mais il ne sème pas à tout vent. Il en attaque un et il protège les autres. Il manipule le fléau de Dieu. Donc il est Dieu. En tant que Dieu, il choisit ceux qu'il appelle à lui. On a cherché un lien entre toutes les personnes visées. Pour le moment, ça ne donne rien. De quoi se sert-il ? Vous avez trouvé des traces d'onguents sur les portes vierges ? Sur les serrures ? On n'a pas cherché ça. À quoi bon, puisqu'il étrangle ? Mais dans sa logique, il ne doit pas se sentir tueur. S'il voulait tuer lui-même, il n'aurait pas besoin de faire intervenir toute cette histoire de peste. C'est le fléau qui tue, pas lui. D'où les annonces ? Oui. Il lui faut nécessairement un vecteur. Les puces. Mon adjoint s'est fait bouffer par des puces chez la victime hier. Des puces ? Il y avait des puces chez ce mort ? Oui. Quelles puces ? Je n'en sais rien, j'ai fait porter les vêtements au labo. S'il s'agit de puces de chat ou de chien, rien à craindre. Mais s'il s'agit de puces de rat, si le gars a vraiment infecté des puces de rat et qu'il les lâche dans la nature... Ben, elles sont vraiment dangereuses. Bon sang, mais c'est la catastrophe. Bon, j'appelle le labo. Adamsberg, vous avez terminé? Quel nom dites-vous? Ah mais Eplé, nom de Dieu. N-O-S... Nosopsilus fasciatus. Ah, ça va, j'ai le nom. Elles sont porteuses du bacille? Faites-les porter en bactériologie, recherche du bacille pesteux. Dites-leur de mettre les bouchées doubles, j'ai déjà un homme de piqué. Et ne les égarez pas dans le labo, surtout. Des puces de rats? Dans l'enveloppe que j'ai prélevée chez le mort, il y en avait une autre, morte. Même espèce. Ah, c'est comme cela qu'il les introduit. Oui, il ouvre l'enveloppe et il libère les puces dans l'appartement. Mais je ne crois pas que ces foutues puces soient infectées. Je crois qu'il est toujours dans le symbole. Il pousse pourtant le symbole jusqu'à dénicher des puces de rats. Ce n'est pas si facile de s'en procurer. Je crois qu'il frime. Et c'est pour ça qu'il tue lui-même. Il sait que ces puces ne pourront pas tuer. Ah, ce n'est pas certain. Vous auriez intérêt à récupérer toutes les puces qui traînent chez l'Orion. Et comment je m'y prends? Le plus simple, c'est d'entrer dans l'appartement avec un ou deux cobayes que vous promenez 5 minutes dans les lieux. Ils se ramasseront tout ce qui traîne. Vous les enfournez vite fait dans un sac et vous les portez à votre labo. Bon. Merci pour votre aide, Van Dessler. Deux choses encore. Sachez que votre semeur de peste n'est pas un si bon pestologue que ça. Son érudition a des limites. Il se gourre? Oui. Où? Le charbon. La mort noire. C'est une image, une confusion de mots. Pestisatra signifiait la mort horrible et non pas la mort noire. Les corps des pestiférés n'ont jamais été noirs. Quelques taches bleuâtres par-ci par-là et encore. C'est un mythe tardif, une erreur populaire générale. Tout le monde le croit, mais c'est faux. Quand votre homme charbonne le corps, il se trompe. Il commet même une énorme bévue. Et la deuxième chose que vous vouliez me dire? Vous cherchez bien un type dont les initiales seraient CLT. C'est une piste sérieuse. Laissez tomber. CLT est l'abréviation du fameux électuaire des trois adverbes. Pardon? Pratiquement tous les traités de peste le citent comme le meilleur des conseils. Cito longe fugeas et tarde redeas. C'est-à-dire fuisite longtemps et revient tard. En d'autres termes, casse-toi en vitesse et pour un bail. C'est ce qu'on appelle le remède des trois adverbes. Vite, loin, longtemps. En latin, cito longe tarde, CLT. Vous pouvez me le noter sur ce carnet? C'est un conseil que votre assassin donne aux gens en même temps qu'il les protège par le 4. J'aurais préféré des initiales. Je comprends. Vous pouvez me tenir au courant pour les puces? L'enquête vous intéresse à ce point? Ce n'est pas la question, mais vous avez peut-être sur vous des nosopsilus, auquel cas j'en ai peut-être sur moi aussi. Je vois. C'est un autre remède contre la peste. Bloque-les vite et lave-toi bien, BLB. Pars vite. Pars et reviens tard. Et reviens tard, si tôt. Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillot. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Pars vite et reviens tard. Est paru aux éditions Viviane Ami. 5e épisode. Avec Marina Golovine. Jean-Quentin Châtelain. Serge Ranco. Antoine Gouy. Paul Brévim. Vincent Nemeth. Pierre Poirot. Éric Caruso. Arnaud Churin. Jean-Christophe Fraîche. Guillaume Clémencin. Ève Rouvière. Et Xavier Brossard. Pars vite, reviens. Bruitage. Sophie Bissons. Prise de son. Montage et mixage. Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation. Benjamin Hu. Réalisation. Cédric Ossire.